Le comité cambodgien à la mémoire de son excellence le grand généralissime Kim Jong-il est constitué le 11 courant. Il a décidé de présenter largement à travers la presse la vie révolutionnaire sacrée et les espoirs immortels de Kim Jong-il et d'organiser significativement des cérémonies politico-culturelles à l'occasion du 5e anniversaire de son décès.